إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc aujourd'hui on va parler de عذاب القبر ونعيمه. C'est un peu la suite de qu'est-ce qu'on a parlé la semaine passée en fait. D'accord ? Donc le cheikh il dit مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذاب فأهل السنة والجماعة يتفقون على أن النفس تنعم وتعذب منفردة عن البدن وتنعم وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين كما يكون ذلك على الروح منفردة عن البدن وهل يكون النعيم والعذاب على البدن دون الروح هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة وأهل الكلام. Donc ici le chef explique et dit que la position de ou la voix des salaf de cette umma et des imams de cette umma c'est que le mort lorsqu'il est dans sa tombe il est dans une grâce ou bien dans un châtiment. Et ça arrive, c'est à son corps et à son âme et à son corps. D'accord? Le châtiment ou les délices qu'il peut retrouver dans sa tombe, c'est pour son corps et pour son âme également. Et que l'âme, après la mort, elle se sépare du corps et elle peut être punie ou elle peut être dans une récompense ou dans un châtiment. Et elle se rattache également au corps par la suite, et elle est punie avec le corps, où elle est dans une sorte de grâce également, le corps et l'âme ensemble. Donc, Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, ils sont d'accord que l'âme a une récompense dans la tombe, ou disons qu'elle est dans une sorte de grâce, et elle est également châtiée dans dans la tombe, séparément du corps, et également avec le corps. Quand l'âme retourne dans le corps, et bien elle est châtiée avec le corps et l'âme les deux en même temps. Donc dans les deux cas, que ce soit l'âme toute seule ou l'âme avec le corps, et bien il peut y avoir un châtiment, et il peut y avoir un na'im, c'est-à-dire une grâce ou une délice de la tombe. Et le cheikh il dit, est-ce que c'est possible que le châtiment soit pour le corps sans l'âme? Est-ce que le corps peut être châtié sans que l'âme soit dedans? Et le cheikh il dit qu'à ce sujet-là, il y a deux positions très connues par rapport à ce sujet-là. Parmi les gens de Ahlul Hadith et les gens de la Sunna et Ahlul Kalam. Donc ils ont deux positions là-dessus. Après le chef il passe à un autre point. Il dit أدلة عذاب القبر ونعيمه من القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. شيخ الزيء قال الشيخ: وهذا خطاب لهم عند الموت، وقد أخبرت الملائكة وهم الصادقون أنهم حينئذ يجزون عذاب الهون، ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا لما صح أن يقال لهم اليوم تجزون، فدل على أن المراد به عذاب القبر. الشيخ الذكر الله سبحانه وتعالى يجزى في الإخفاء dans un verset, et si tu voyais les injustes lors de l'agonie de la mort, alors que les anges approchent et disent à ces gens-là, laissez sortir vos âmes. Et ils disent, les anges, aujourd'hui, vous allez être récompensés du châtiment, de l'humiliation, parce que vous disiez au sujet d'Allah autre que la vérité, et parce que vous vous enfuyez d'orgueil, vous vous détournez orgueilleusement des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh il dit par la suite, à la fin de ce verset-là, ça c'est un discours ou c'est une parole que les anges vont dire aux morts, au moment de sa mort, et ils vont leur dire, aujourd'hui, tu vas avoir le châtiment de l'humiliation. Et le chef il dit, et si ce châtiment-là, c'était un châtiment qui allait arriver uniquement vers la fin des temps, c'est-à-dire à la résurrection, quand les corps vont revenir à la vie et qu'ils vont sortir de la terre, eh bien, ça n'aurait pas été correct de dire « al-yawma tujzawna », c'est-à-dire « aujourd'hui, vous allez être récompensés ou punis, yani, pour ce que vous avez fait, etc. » Parce que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il dit clairement que les gens vont dire aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui va se passer à ce moment-là, ce jour-là. Hein? Et donc ça c'est une preuve pour le châtiement de la tombe. Que ce verset-là, c'est une preuve pour dire que ça, c'est une annonce du châtiement qui va se passer dans la tombe lorsque les anges viennent prendre les âmes. D'accord? Un autre verset qui est mentionné par le cheikh, c'est les versets dans lesquels Allah SWT a dit, قال الله تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que verset laisse-le jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour dans lequel ils seront foudroyés. Le jour où leur ruse ou leur complot ne leur serviront en rien et ils ne seront pas secourus. Et pour ceux qui ont fait l'injustice, il y aura un châtiment préalable, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ. Il y aura un châtiment préalable à l'enfer. Donc ça c'est une preuve. Le chef dit: هذا يحتمل عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا وأن يراد به أو يراد به عذابهم في البرزخ وهو أظهر، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، وقد يقال وهو أظهر إن من مات منهم عذب في البرزخ ومن بقي منهم عذب في الدنيا بالقتل وغيره، فهو وعيد بعذابهم في الدنيا وفي البرزخ. اوكي. Donc le cheikh ici il dit que ce verset là il pourrait signifier que ils seront châtiés dans cette vie par en se faisant tuer dans cette dunya ou par un autre châtiment de la dunya comme par exemple, je sais pas moi, un accident ou une maladie ou une, quelque chose qui leur arrive, hein, qui leur cause du mal, ou bien que ça signifie leur châtiment dans le barzakh, c'est-à-dire après la mort et avant le jugement dernier, lorsqu'ils sont dans la tombe. Et il dit que ça, c'est ce qui est le plus apparent, ce qui est le plus évident. Et le chef, il dit que la plupart d'entre eux, il dit la raison pourquoi c'est le plus apparent, c'est parce que le plus évident, c'est que beaucoup d'entre eux, parmi les gens qui meurent, soit qu'ils sont forts, soit parmi les pécheurs, ou etc., eh bien, ils meurent sans avoir été punis dans cette lumière. Hein, beaucoup de forts ont vécu dans toute leur vie dans cette lumière, puis ils sont morts sans jamais avoir payé pour des injustices ou les mal qu'ils ont fait dans cette vie, hein, même s'ils ont fait beaucoup de mal. Tandis que, il y en a des mu'minines qui sont croyants, et puis ils ont vécu dans leur vie beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, puis malgré qu'ils ont été honnêtes et qu'ils ont été justes, ils n'ont jamais eu une vie facile ou une récompense de cette lumière. Alors, c'est pour cette raison-là que le chef dit, le plus évident, c'est que ces gens-là, il y a que ce châtiment-là dont Allah parle, c'est le châtiment préalable, c'est le châtiment dans la tombe. Et le chef dit aussi, on peut dire que ce serait les deux. Il y a un châtiment dans cette lumière, avant qu'il meure, et un châtiment dans Al-Barzakh, dans la tombe également. D'accord? Après, le chef, il dit, il donne une autre preuve encore dans un autre verset, il dit, ومنها قوله فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Donc ce verset-là, ça signifie, c'est le verset à propos de l'homme qui a cru parmi les gens de la maison de Pharaon. Il y en a un parmi eux qui a cru. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. C'est l'histoire de l'homme qui a cru ici. Un homme croyant parmi la famille de Pharaon, et qui cachait sa foi parce qu'il avait peur de se faire attraper parce qu'il était mu'min et que Pharaon détestait les croyants. Alors, il dit, allez-vous tuer un homme, uniquement parce qu'il dit, mon Seigneur, c'est Allah, hein, alors qu'il vous disait avec les preuves de son Seigneur, c'est-à-dire Moïse, hein, il disait avec des preuves de son Seigneur et des miracles, pour montrer ce qu'il disait, c'était vrai, et malgré tout, ils avaient refusé de croire. Donc, à la fin de ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِنَا مَكَرُ. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé des complots ou des ruses qu'ils avaient préparées contre lui. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ. Et le dur châtiment ou le mauvais châtiment cerna la famille de Pharaon. Donc Allah fit descendre sur Pharaon et sa famille un châtiment. Et après, Allah dit juste après, ils seront exposés au feu le matin et le soir. Et au jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer la famille de Pharaon dans le plus dur châtiment. Donc, dans ce verset-là, il y a une preuve qu'il y a un châtiment dans la tombe. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, An-naru yu'aradouna alayha ghudouan wa ashiya. Hein? Pharaon, la famille de Pharaon, ils sont exposés au feu de l'enfer le matin et le soir, dans leur tombe. Hein? Et au jour de la résurrection, c'est-à-dire à l'heure du jugement, là, on va dire, faites-les rentrer dans le châtiment de l'enfer. Là, ce sera l'enfer réellement. Donc, le cheikh dit, فَذَكَرَ عَذَابَ الدَّارَيْنِ ذِكْرًا صَرِيحًا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرُ فَدَلَّ عَلَى ثُبُوتِ عَذَابِ الْقَبْرِ. Donc, ça, c'est une preuve claire pour prouver à quelqu'un qu'il y a réellement quelque chose qui s'appelle عَذَابِ الْقَبْرِ. D'accord? On sait qu'il y a des gens de là qui ont renié cet aspect-là. Après, un autre verset que le Cheikh mentionne, c'est فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو القرآن الكريم إن هذا يعني لسان الشيخ العربية وتصلية جحيم وإن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Donc, le verset, on l'a déjà lu dans un cours précédent, c'est, ça dit, et lorsque l'âme arrive à la gorge, et que vous êtes autour de lui, et que vous le regardez, le mort, hein, et nous, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes plus près de lui que vous-même, mais vous ne le voyez pas. Et, après, il dit, pourquoi donc si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, vous ne la faites pas revenir son âme si vous êtes déridé, hein? Si vous ne croyez pas qu'il y a un jugement dernier, hein, si que vous croyez que c'est vous qui vous avez le contrôle sur tout, faites-la revenir son âme si vous ne croyez pas en la rétribution et tout. Et ça c'est un défi, hein, que Allah donne à ces gens-là. Quand il y a un mort, essayez de le faire revenir si c'est capable. C'est une chose qu'ils ne sont pas capables de contrôler, la vie et la mort. Donc, il dit, et s'il était parmi les Mukarrabin, s'il était parmi les rapprochés, alors un repos et une grâce et un jardin de délices. Et s'il était parmi les gens de la droite, alors salam, paix à toi. Paix à toi, alaykum salam, paix à toi de la part des gens de la droite. Mais si c'était des gens qui faisaient partie des négateurs égarés, alors il y aura pour eux une résidence dans le feu de l'enfer et ils seront brûlés dans la fournaise, c'est-à-dire dans l'enfer. Chef, il dit « فَذَكَرَهَا هُنَا أَحْكَامَ الْأَرْوَاحِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَذَكَرَ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ أَحْكَامَهَا يَوْمَ الْمَعَادِ الْأَكْبَرِ فَقَدَّمَ ذَلِكَ عَلَى هَذَا تَقْدِيمُ الْغَايَةِ للعناية إذ هي أهم وأولى بالذكر وجعلهم عند الموت ثلاثة أقسام كما جعلهم في الآخرة ثلاثة أقسام. Donc le cheikh utilise ce verset là comme une preuve pour dire qu'il y a un châtiment dans la tombe, parce que dans ce verset là qui est dans sourate Al-Waqi'a, il y a dans le début de ce verset, Allah parle il parle du jugement dernier. إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةِ صَاخِرَةٌ رَافِعَةِ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّةِ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّةِ كَانَتْ هَبَاءً مُنْبَسَّةِ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, au début de ce verset, il parle de tout ce qui va arriver vers la fin des temps, les signes du jugement dernier, puis qu'est-ce qui va arriver au jugement dernier, puis après il dit, ce jour-là, vous allez être trois groupes. Les gens les rapprochés, les gens de la droite et les gens de la gauche, c'est-à-dire les gens de l'enfer. Et ça c'est au début, et là il parle qu'est-ce qu'il va y avoir de récompense et de châtiment pour les gens dans le paradis et dans l'enfer. Puis à la fin de la sourate, et là il explique lors de la mort, lorsque les gens viennent pour attraper son âme, ils sont, même à ce moment-là ils sont divisés en trois. Les gens de la droite, les rapprochés, les gens de la droite et les gens de la gauche. Et ça, il te décrit la position de l'âme, comment les gens viennent le chercher, puis qu'est-ce qui arrive à ce moment-là. Donc, c'est une preuve qu'il y a, même déjà là encore, au moment de la mort, une division entre les âmes et tout. Donc, c'est une preuve également pour dire qu'il y a un châtiment dans la tombe. Adillatu azab al-qabr min as-sunnah an-nabawiyyah. Les preuves du châtiment de la tombe, tirées de la sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le chef dit, إذا تأملت أحاديث عذاب القبر ونعيمه وجدتها تفصيلا وتفسيرا لما دل عليه القرآن وأحاديث عذاب القبر كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فشقها نصفين فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس نعم. Donc, ça, le chef dit, lorsqu'on médite sur les hadiths qui sont rapportés au sujet du châtiment de la tombe, on les trouve plus détaillés et on trouve qu'ils expliquent et qu'ils clarifient et qu'ils ramènent des détails au sujet de ce que le Coran a déjà prouvé, hein, au sujet du châtiment de la tombe. Et les hadiths du châtiment de la tombe sont nombreux et sont rapportés en grande quantité. Du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi ces hadiths-là, on retrouve le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Abbas, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé près de deux tombes, et il a dit à ses compagnons, ces deux-là sont châtiés dans leur tombe, et ils ne sont pas châtiés pour un grand péché. Hein. Un d'entre ces deux-là, il est châtié parce qu'il ne se protégeait pas contre l'urine lorsqu'il urinait. Il laissait des gouttes d'urine tomber sur lui et sur ses vêtements. Et l'autre, il est châtié, pourquoi? Parce qu'il se promenait et faisait circuler des rumeurs ou des racontages. Okay? Donc, à cause de ça, ils sont châtiés dans leur tombe. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé qu'on lui amène comme une sorte de, comment on appelle, un roseau, non pas un roseau, un roseau, c'est quoi un roseau? Comme une sorte de feuille de palmier là, ouais c'est ça, et il a pris, il a pris le roseau, et puis il l'a découpé en deux, et puis il l'a mis à cet endroit là, il a dit, peut-être que ça va diminuer leur châtiment, jusqu'à ce que ça sèche. Ah ouais, subhanallah. Donc, je ne sais pas si c'est une sunna spécialement pour que le prophète prend sa lame, ou bien si c'est une sunna de faire ça pour tous les morts. Wallahu a'lam. Je vais se renseigner là-dessus. Je vais retourner au charh. Peut-être Ibn Hajar, il a parlé de ça dans son charh. De Al-Bukhari, peut-être qu'il a ramené des détails là-dessus. On va voir, inch'Allah. Après, il mentionne un autre hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim. Il dit, wa fi Sahih Muslim, an Zayd ibn Thabit, qala, baynama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi ha'itin li bani Najjar, ala balghatihi, wa nahnu ma'ahu, iz hadatha bihi. فكادت تلقي فإذا أكبر ستة أو خمسة أو أربعة نعم فقال من يعرف أصحاب هذه القبور فقال رجل أنا قال فمتى مات هؤلاء قال في الإشراق فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا لا فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه الحديث. Donc dans ça c'est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim selon Zayd ibn Thabit que le prophète صلى الله عليه وسلم il dit le prophète صلى الله عليه وسلم était parmi nous et il était près du mur de Bani Najjar. Sur sa monture, il était sur son âne, et nous étions avec lui. Donc, après, il dit, lorsqu'il était sur sa monture, elle a comme eu mouvement, comme un réflexe, je ne sais pas si elle a sauté. Alors il a failli tomber, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a failli tomber de, du dos de la bête. Alors il a vu 6 ou 5 ou 4 tombes qui étaient devant lui, par terre. Mais des gens qui étaient enterrés à cet endroit-là. Ok? Donc la bête, elle a eu peur, sûrement parce qu'elle entend les cris des gens qui sont châtiés dans la tombe. Et c'est pour ça qu'elle a failli renverser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, qui d'entre vous connaît les gens qui sont enterrés dans ces tombes-là, Alors un homme parmi eux a dit, moi je les connais. Il dit, quand est-ce qu'ils sont morts? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand est-ce qu'ils sont morts? L'homme a dit, ils sont morts dans le shirk, c'est-à-dire ils sont morts dans l'idolâtrie. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cette umma sera éprouvée dans leur tombe. Et si ce n'était pas que vous allez être enterrés vous aussi, je vous aurais fait entendre un peu du châtiment que moi j'entends. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'entendait. Hein? Alors, donc ça c'est une autre preuve du châtiment pour prouver qu'il y a un châtiment dans la tombe. Dans Sahih Muslim et dans la plupart des Sunan, في صحيح مسلم وجميع السنن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من 4 من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحياء والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça s'est rapporté dans Sahih Muslim et dans les Sunan, selon Ali Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous a terminé de faire son dernier tashahud, qu'il demande la protection d'Allah sallallahu alayhi wa sallam contre 4 choses. Contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre la fitna de la vie et de la mort, et contre la fitna du Messie al-Dajjal. Donc ça veut dire, c'est une des choses au sujet desquelles on doit demander la protection d'Allah, c'est le châtiment de la tombe. Et ça c'est une preuve donc que le châtiment de la tombe est réel. Un autre hadith mentionné par le Cheikh, c'est un autre hadith encore dans Sahihain, dans Al-Bukhari et Muslim, il dit, وفي الصحيحين عن أبي أيوب قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. نعم. Donc le Cheikh dit que dans As-Sahihain il y a un hadith rapporté selon Abi Ayyub qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti alors que le soleil était couché, je crois, ou je me trompe pas, c'est ça que ça veut dire. Sinon, bon, on vérifiera. Et puis après, le chef dit, et on a entendu, le hadith dit, on a entendu une voix. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça c'est la voix des juifs qui sont enterrés dans leur, qui sont châtiés dans leur tombe. Yahoud, tu azab, si kobouriha. Hein, des juifs qui sont torturés ou châtiés dans leur tombe. Ensuite, un autre hadith rapporté encore dans As-Sahihain, Al-Bukhari et Muslim, selon Aïcha, radiallahu anha, qui a dit, قالت, دخلت علي عجوز من عجائز يهود المدينة, فقالت, إن أهل القبور يعذبون في قبورهم, قالت, فكذبتها. ولم أنعم أن أصدقها. قالت فخرجت ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزا من عجائز يهود أهل المدينة دخلت فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قال صدقت إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. Donc ça c'est un dernier hadith que le cheikh a mentionné, et il dit que Aïcha radhiyallahu anha a dit, ça c'est dans Al-Bukhari et Muslim, que Aïcha a dit qu'une vieille parmi les vieilles femmes juives de Médine est entrée pour la voir, et elle lui a dit que les gens de la tombe sont châtiés dans leur tombe. Alors Aïcha radhiyallahu anha, elle l'a démenti, elle a dit non, c'est faux qu'est-ce que tu dis. Et elle dit, j'ai pas été béni, ou j'ai pas reçu la grâce de confirmer ce qu'elle a dit, et d'affirmer ce qu'elle a dit. Alors, elle dit, donc, elle est sortie, cette femme, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré par la suite. Elle a dit, Aïcha a dit, oh messager d'Allah, il y a une vieille femme parmi les vieilles juive de Médine, qui est venue, et elle est entrée, elle prétendait que les gens de la tombe allaient se faire châtier dans leur tombe. Hein, mais, donc, Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle a dit vrai. Ils seront châtiés dans leur tombe, et toutes les bêtes peuvent l'entendre. Et Aïcha a dit, et après ce jour-là, je ne l'ai jamais vu dans une prière faire une salat, excepté qu'il cherchait la protection du châtiment de la tombe. D'accord? Donc ça y est pour les preuves du hadith. Donc, ensuite le cheikh il explique maintenant un point important. Il dit, tambihun ham. On pourrait dire une note importante. Okay. Et c'est la réponse à la question du frère Abdul Aziz, non Abdul Jalil, ouais, qui posait cette question la dernière fois. Malheureusement, il n'est pas là. Inch'Allah, on va lire. C'est le cheikh dit wa azab al qabr su'al al malakin yanalani kull man mat. Ouais, incinéré. Tes cendres ou bien des choses de même. Comme si tu ne te fais pas enterrer, tu vas être quand même châtié dans ta tombe. Ouais. Donc le cheikh il dit, wa azab al qabr, wa su'al al malakayn, yanalani kulla man nas, walau lam yudfan, fahuwa ismun li azab al barzakh wa na'imuhu, wa huwa ma bayna al dunya wal akhirah. قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وسمي عذاب القبر باعتبار الغالب فالمصلوب والمحرق والمغرق وأكيل السباع أو السباع والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه الذي تقتضيه أعماله وإن تنوعت أسباب النعيم والعذاب وكيفيتهما. Donc le chef ici il explique, il dit le châtiment de la tombe et la question des deux anges, elles vont atteindre toute personne qui est morte, même s'il n'est pas enterré. Car c'est un châtiment, ou car c'est un nom pour le châtiment du barzakh et pour son délice. Donc, le barzakh, on a expliqué que c'est la barrière ou la période qui est entre notre mort et notre résurrection. Quand on est dans cette période-là, ou dans cet endroit-là, c'est un autre endroit intermédiaire entre la mort qu'on a eue dans cette vie, qu'on a fini notre vie dans cette dunya, et entre la résurrection qui va arriver au jugement dernier. Donc entre ces deux périodes-là, il y a un endroit qu'on appelle barzakh. Okay? Et dans ce barzakh, c'est le nom pour cet endroit-là. Donc quand on parle du châtiment de la tombe, on parle en réalité du châtiment du barzakh ou bien de la récompense ou du délai du barzakh. Donc, peu importe que tu sois enterré ou non, tu vas en avoir une partie du châtiment de ce barzakh. Et le cheikh dit, et le barzakh, c'est comme je viens juste d'expliquer, qu'est-ce qui est entre la dunya et l'au-delà, c'est-à-dire après la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَقٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Et derrière eux, il y a une barrière ou un barzakh jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Après, le chef dit, et on l'a appelé un châtiment de la tombe, parce que c'est la majorité des gens. La majorité des gens sont enterrés. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on appelle le châtiment de la tombe par ce nom-là. D'accord? Mais le chef dit, toutes les personnes qui sont, par exemple, brûlées ou noyées, ou qui sont fait manger par un animal sauvage, ou par des oiseaux sauvages, ou des choses comme ça, eh bien, ceux-là, ils auront un châtiment dans le barzakh, ou une récompense, ou une grâce dans le barzakh, selon les actions, selon ce qu'a impliqué les actions qu'ils ont accomplies dans la dunya. Soit qu'ils ont fait le bien, ou le mal, et qu'ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, même si les différentes causes de mort sont multiples et puis que c'est pas tout le monde qui se font enterrer, eh bien ça veut rien dire, ils sont quand même châtiés ou ils ont quand même une grâce dans leur tombe. Hein. C'est comme quelqu'un par exemple qui s'est fait déchiqueter par une bombe ou qui s'est fait, vraiment il y a des façons de mourir là de plus en plus incroyables. Mais ces gens-là, même s'ils sont désintégrés ou si leur corps est complètement brûlé, calciné et tout, comme le frère a dit, il a parlé d'incinération, c'est la même chose. Les gens qui sont incinérés, qu'on les brûle dans des fours, dans des gros fours, et puis qu'on met leurs cendres dans des petits pots, là, ils l'exposent, je ne sais pas combien de milliers de dollars ils doivent payer, c'est ça. Ah, ben, pour louer la place, pour mettre le pot, là, il y en a qui achètent des pots, ils font des locations de dans les cimetières, dans certains endroits, tu paies pour te faire enterrer, tu le loues, la terre, chez les koufars, et quand ton temps est terminé, ils t'enlèvent ton cercueil de cet endroit-là, et puis ils l'amènent ailleurs, si tu ne continues pas à payer la location de ta terre, ou de ton trou dans la terre. Ouais, c'est comme en France par exemple, il y a un endroit où tous les koufars qui ont été très célèbres dans le Père Lachaise ou bien le Panthéon, là, tout ça. Tous les grands koufars là, qui ont été célèbres dans leur vie, ils se sont... Ouais. Les grands koufars se sont fait enterrer là-bas, eh bien ils payent cher pour se faire enterrer là-bas. Quand une vedette là, il veut se faire enterrer là-bas, là, il doit payer pour un certain nombre d'années. Puis quand c'est fini, le nombre d'années, s'il ne paye pas, on l'enlève, son cercueil, on le met ailleurs. Mais c'est pas lui qui va payer, c'est sa famille, bien entendu. Oui, c'est ça. Après 100 ans, on les enlève. Pour enterrer d'autres personnes. Ouais, c'est un bon moyen pour faire beaucoup d'argent, regarde. Tandis que dans le pays musulman, subhanallah, si vous voyez Al-Baqi'a, le cimetière de Médine, là, tout près de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, tout le monde vient se faire enterrer là-bas sans aucun problème et tout. Subhanallah, pas de complications. T'as même pas besoin de payer pour te faire enterrer. On t'entoure dans un effet, on se met dans la terre, c'est fini. On n'a pas de cercueil, rien. Même le roi, subhanallah. Mais c'est comme ça. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est fait enterrer comme ça. Alors pourquoi le roi n'est pas meilleur que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein? Donc, quand tu regardes par exemple dans d'autres pays où les gens sont dans la bid'a, eh ben, ils font tout le contraire de la sunna. Déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire aucune construction sur un tombeau. On a étudié ça depuis il y a longtemps. Et puis eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des grosses mausolées, hein, en honneur de la personne qui est morte. Et ça, c'est haram. Hein? Ou bien si c'était un homme pieux ou un homme saint ou des choses de ce genre, ils font ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit les gens qui avaient fait ça. Il a dit, la'natullahi ala al-yahud wa al-nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les lieux de prière, les lieux où leurs prophètes sont morts, ils ont pris ça comme des lieux d'adoration et des mosquées. Donc c'est ça la bid'a que ces gens-là ont fait, et à cause de ça, ils font la distinction entre les hommes, non seulement dans cette dunya, mais même dans la mort, après la mort, ils font des distinctions par rapport à leur tombe. Plus t'es riche, plus t'es important, on te fait une grosse tombe. Et si t'es une personne simple, ordinaire, une musulmane ordinaire, on te fait une petite tombe derrière tout. Et ça, ça crée la fitness. Au lieu de mettre tout le monde égal, et c'est pour ça que les gens ont dit que, par exemple, tous les rois de l'Arabie Saoudite, qui ont été salafis, donc sur le manhaj des prophètes, ils ont tous été enterrés la même façon que n'importe quel autre parmi les musulmans. Aucune distinction dans leur tombe. C'est-à-dire, si tu arrives dans le cimetière, tu ne vas pas savoir, ça c'est la tombe de qui, ça c'est la tombe de qui. Tout le monde sont pareils. Que les présidents des Koufars, les Ashirat et les autres, assistent au funérail et tout. Ils sont, ben, dans les pays coufres, quand un dirigeant meurt, les autres dirigeants des autres pays viennent assister à son enterrement pour, comme une présence honorifique ou je sais pas quoi, là. Et eux, ils ont dit, les non-musulmans, ils ne peuvent pas assister à l'enterrement. That's right. Et il y en a parmi les musulmans, certains musulmans ont été offusqués là par ça. Allah nous aide. Non. Oui, parce qu'on n'a pas le choix. Ici, c'est une loi dans le pays ici. Je ne sais pas c'est quoi le rapport, mais donc j'ai lu des fatwas là-dessus, des chouïos qui ont dit si c'est la loi dans le pays où vous êtes obligé, on est obligé de vous mettre dans une boîte pour vous enterrer. Dans ce cas-là, vous pouvez le faire si vous n'avez pas d'autre choix. D'accord? Mais en temps régulier, en temps normal, la sunna, c'est qu'on se fait enterrer directement avec un linceul, on est entouré dans un morceau de tissu, et puis on nous met dans la terre, et puis c'est fini. Hein? Non, je pense qu'on doit enterrer le mort d'une façon que son visage soit face à la feuille de la vie, je ne me trompe pas. Ici, ouais, les gens sont couchés sur le dos. En tout cas, dans le pays musulman, comme j'ai vu, ils creusent la tombe, et puis en bas, au fond, là, ils font un petit creux là, vers un des côtés, là. Puis ils mettent le mort dans ce trou-là, puis après, ils retrouvent cette entrée-là, ils mettent des morceaux de terre, là, ils mettent de la terre par-dessus le trou pour boucher le trou. Et donc, quand ils jettent la terre en bas, ça ne tombe pas sur le mort directement, ça tombe à côté. Non. Donc, c'est pas mal. Donc, ouais. Donc, où est-ce qu'on était rendu là? Ah oui, on expliquait ça. Donc, le chef il dit, فقد ظن بعض الأوائل أنه إذا حرق جسده بالنار وصار رمادا وذري بعضه في البحر أو بعضه في البر في يوم شديد الريح أنه ينجو من ذلك فأوصى بنيه أن يفعلوا به ذلك فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه ثم قال قم فإذا هو قائم بين يدي الله فسأله ما حملك على ما فعلت فقال خشيتك يا رب وأنت أعلم فرحمه الله فلم فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه لهذه الأجزاء التي صارت في هذه الحال. Donc le cheikh il a mentionné l'exemple du hadith qui a été rapporté, qui parle de l'histoire d'un homme parmi les premiers peuples, yani, qui lors de sa mort, lorsqu'il sentait qu'il allait mourir, il a dit à ses enfants de prendre son corps lorsqu'il allait être mort et de le brûler, et puis de prendre les cendres et d'aller vers la mer, et lorsqu'il y avait beaucoup de vent, de les laisser tomber dans la mer, puis après de prendre une autre partie des cendres et de les jeter dispersées sur la terre. Et donc, lorsque l'heure est arrivée, Allah SWT a ordonné à la mer de rassembler son corps, et à la terre de rassembler tout ce qu'il avait des restes de ses cendres. Et il les a rassemblés, et puis il a ordonné de se lever, de se dresser. Alors, tout à coup, il est apparu comme debout devant Allah, et Allah lui a demandé, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que t'as fait? Il a dit, j'avais peur de toi, oh Allah, j'avais peur de toi. Alors, il a dit, j'avais peur de toi, et tu sais mieux. Alors, Allah SWT a eu miséricorde pour lui. Et rien ne lui a été épargné du châtiment ou du délice de la tombe. Et le fait qu'il ait été dispersé de cette façon-là sur la terre, ça ne l'a pas épargné d'être châtié dans la tombe ou d'avoir la récompense dans la tombe. Après, le chef dit « حتى لو علق الميت على رؤوس الأشجار في مهاب الرياح لأصاب جسده من عذاب البرزخ وحظه ونصيبه ولو دفن الرجل الصالح في أتون من النار لأصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه نصيبه وحظه فيجعل الله النار على هذه بردا وسلاما والهوى على ذلك نارا أو سموما فعناصر العالم ومواده منقادة لربها وفاطرها وخالقها يصرفها كيف يشاء ولا يستعصي منها شيء أراده بل هي طوع أمره أو طوع بل هي طوع أمره ومشيئته منقادة لقدرته فغير ممتنع أن ترد الروح إلى المسلوب والغريق والمحرق ونحن لا نشعر بها ولهذا ذلك ولأن ذلك الرد نوع آخر غير المعهود وهذا المغمى عليه والمسكور والمهبوط أحياء أرواحهم معهم ولا تشعر بحياتهم ومن تفرقت أجزاؤه لا يمتنع على من هو على كل شيء قدير أن يجعل للروح اتصالا بتلك الأجزاء على تباعد ما بينها وقربه ويكون في تلك الأجزاء شعور بنوع من الألم واللذة. Donc il dit, en fait, qu'est-ce qu'il dit ici, le chef? Il dit, même si le corps des morts était accroché sur la tête des arbres dans le vent, eh bien son corps allait recevoir son châtiment du barzakh et son délice, yani, si c'était le cas, s'il était un homme pieux. Donc, yani, son corps allait recevoir son châtiment ou sa récompense dans le barzakh, son âme et son corps. Et Allah SWT, il est capable de chacun, de rassembler et de faire rassembler toutes ces parties, même s'il est découpé en morceaux et même s'il est en pièces, il est capable de le faire rassembler et il fait ce qu'il veut parce qu'il contrôle tout de la création. Et tout dans l'univers est soumis à sa puissance et à sa volonté. Donc il est capable de remettre l'âme à celui qui est noyé ou qui est brûlé ou qui est... Il y a une toute autre façon, toute autre manière de mort, de mourir qui n'est pas habituelle. Il est capable de les faire revenir, etc. Même si quelqu'un est découpé ou peu importe ce qu'il est capable de lui faire revenir sa son âme. Non, ça peut être un exemple. Parce que c'est le barzakh, c'est un autre monde. C'est pas un monde qui se calcule de la même manière qu'on calcule les choses de notre vie actuellement, tu vois. Donc, on peut pas faire de comparaison par rapport à ce qu'on vit nous actuellement. Dans la tombe, on est tout seul. Il y a personne avec nous excepté ce qu'on a fait d'action. Donc, ça veut dire, tu vois pas tes autres personnes. Là. Non, tu vois pas personne. Jusqu'à ce que tu es ressuscité, tu vois personne. Tu comprends? Après, le cheikh il continue et il dit: إذا كان الله تعالى قد جعل في الجمادات شعورا وإدراكا تسبح ربها وتسقط الحجارة من خشيته وتسجد له الجبال والشجر وتسبحه الحصى والمياه والنبات كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فإذا كانت هذه الأجسام فيها الإحساس والشعور فالأجسام التي كانت فيها الأرواح والحياة أولى بذلك الله شيخ الذكر Si Allah SWT était capable de mettre en des choses inertes, des sentiments et des sensations, eh bien, comme par exemple, il a dit par exemple au sujet de la création, qu'il glorifie Allah SWT, les pierres, les roches, les arbres, il a dit que les arbres se prosternent, ainsi que les montagnes, et il a dit que les pierres et l'eau et les bêtes, et les plantes, ils glorifient, ils chantent les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, et il n'y a rien dans l'univers excepté qu'il glorifie, les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais vous ne comprenez pas leur glorification. Donc, il n'y a rien dans l'univers qui ne glorifie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit, si c'est le cas pour les corps, et les matières inertes, que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de leur donner des sentiments et des sensations. Alors, nos corps à nous, et dans lesquels il y a l'âme et la vie, et bien c'est encore plus capable, encore plus possible pour Allah subhanahu wa ta'ala de le faire. Et le cheikh dit, وَقَدْ أَشْهَدَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عِبَادَهُ فِي هَذِهِ الدَّارِ إعادة حياة كاملة إلى بدن قد فارقته الروح فتكلم ومشى وأكل وشرب وتزوج وولد له الذين لذكر الله الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم الشيخ دي الله تعالى أمرسليكم تمويازا القرآن qu'il a déjà remis la vie complète à des corps qui avaient déjà été morts, hein, et que leur âme avait complètement été enlevée de leur corps, et par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala les a fait revivre. Et ils ont marché et mangé, et ils ont bu, et ils se sont mariés, et ils ont eu des enfants. Et il donne comme exemple le verset dans Surat al-Baqara, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: n'as-tu pas vu ceux qui sont sortis de leur maison par crainte de la mort, alors qu'ils étaient parmi lui, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit: mourez, puis il les a fait revivre. Hein, ça c'est dans Surat al-Baqara. Et dans un autre verset: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ou comme celui qui est passé près d'un village dévasté et désert, et qui a dit: comment Allah subhanahu wa ta'ala serait-il capable de faire revivre ces gens-là après les avoir fait mourir? Alors Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait mourir cet homme-là durant 100 ans, puis il l'a fait revivre. Il a dit: combien de temps est-il resté? Combien de temps est-il resté mort? Il a dit: un jour ou une partie d'un jour. Il a dit non, tu es resté 100 ans, ni à ta âme. Donc tu vois, après, dans un autre verset, il dit: وَقُبَيْلُ بَنْ إِسْرَائِيلِ الَّذِينَ قَالُوا لِمُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. Comme des groupes parmi les enfants d'Israël, ils ont dit à Moïse: nous ne croirons pas en toi jusqu'à ce qu'on voit Allah subhanahu wa ta'ala clairement. Hein? Alors Allah subhanahu wa ta'ala les a fait mourir, puis il les a fait ressusciter. فأماتهم الله ثم بعثهم من بعد موتهم وكأصحاب الكهف وقصة إبراهيم في الطيور الأربعة فإذا أعاد الحياة التامة إلى هذه الأجسام بعدما بردت بالموت فكيف يمتنع على قدرته الباهرة أن يعيد إليها بعد موتها حياة ما غير مستقرة يقضي بها أمره فيها ويستنطقها بها ويعذبها أو ينعمها بأعمالها وهل إنكار ذلك إلا مجرد تكذيب وعناد وجحود. Donc le chef il dit que yani, Allah subhanahu wa ta'ala a fait mourir ces gens-là parmi les enfants d'Israël, et il mentionne également, il dit, on peut donner comme exemple aussi les gens de la caverne et l'histoire d'Abraham avec les 4 oiseaux, et il a fait revivre ces corps-là après qu'ils étaient soit à cause de la mort, ils avaient déjà été morts. Alors comment, après qu'on a compris la grande puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est capable de faire revivre les choses qui après leur mort, comment on pourrait douter par la suite qu'il soit capable de faire châtier ou de faire goûter à certains des délices dans leur tombe? Et il dit, est-ce que celui qui nous ça, est-ce que c'est pas uniquement de sa part une forme de négation et de rejet de la vérité, Ali? Donc il dit ça, puis par la suite maintenant il parle de ceux qui ont nié le châtiment de la tombe. Mais attendez un instant, on va voir l'heure. On a fait 1 heure même. On va continuer encore. Oui, le cheikh il dit: المنكرون لعذاب القبر ونعيمه وشبهاتهم والرد عليهم. Ceux qui ont nié le châtiment de la tombe et les délices de la tombe, leurs arguments, leurs shubuhat, et la réfutation de ces arguments-là. Cheikh dit: انكرت الملاحدة والزنادقة عذاب القبر ونعيمه. قالوا: إنا نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة يضربون الموتى ولا حي ولا حيات ولا ثعابين ولا نيران تأججة فكيف يفتح مد بصره ويضيق عليه ونحن نجده بحاله ونجده مساحته على حد ما حفرناه له ولم يزد ولم ينقص كيف يصير القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار سبحان الله الحمد C'est incroyable comment des gens peuvent être fidèles à ce point et rebaisser des choses absurdes de ce genre. Le chef, il explique, je voulais, c'est incroyable. Le chef, il dit, les gens qui ont renié, parmi les hérétiques, les égarés, qui ont renié le châtiment de la tombe ainsi que ses délices, ils ont dit, nous, parfois, on creuse dans la terre. On a creusé dans la terre, on a creusé des, on a creusé les tombes, mais on a regardé les, on a retiré des corps qui étaient enterrés, et puis on n'a pas vu d'ange qui frappe, on n'a pas vu d'ange qui frappe les morts, on n'a pas vu de serpent, on n'a pas vu de feu dans la terre, hein. Et on n'a pas vu que la tombe a été augmentée en largeur ou en grandeur, ou qu'elle a été rétrécie, on la trouve dans l'état qu'on l'a laissé, hein. Alors, il dit, comment ça se fait, Annie, que ces choses-là soient, mentionnées, et puis quand on regarde, là, on trouve pas que, ces choses-là sont là, réellement. Donc, le chef, il dit, wa jawabuna anza likamim wujuh. Et on va répondre à ça de différentes, de différents points de vue, Annie. أولا إن حال البرزخ من الغيوب التي أخبرت بها الأنبياء لا يكون خبرهم محالا في العقول أصلا فلا بد من تصديق خبرهم donc le chef il dit premièrement la réalité ou l'état qui se passe dans le barzakh c'est-à-dire entre notre mort et le jugement dernier ça fait partie du ghaib ça fait partie du monde un monde invisible que les messagers nous ont annoncé et donc il n'y a aucune façon de rejeter ça par la raison à la base. Hein, c'est des informations que les messagers nous ont données, des choses qui font partie d'un monde invisible. Donc, on doit croire en ce qu'ils nous ont informé. Deuxièmement, ثانياً, أن النار في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا ولا من زروع الدنيا. فيشاهد ذلك من مشاهد النار الدنيا وخضرها وإنما هي من نار الآخرة وخضرها وهي أشد من نار الدنيا فلا يحس بها أهل الدنيا فإن الله سبحانه يحمي عليه ذلك التراب والحجارة التي عليه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بذلك وقدرة الرب أوسع من ذلك وأعجب الشيخ dit que le feu qui est dans la tombe et les verdures qui sont dans la tombe pour les gens du châtiment ou les gens du délit et bien ça ne fait pas partie du feu et des plantes de cette dunya c'est une chose qui ne sont pas visibles et il dit que c'est un feu, le feu de l'Akhira et les choses de l'Akhira de l'au-delà ne sont pas ils sont incomparables avec celles de la dunya d'accord il dit même si le feu de l'enfer est plus dur et plus brûlant que celui de la dunya les gens de la dunya ne peuvent pas le sentir parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a protégés de ce feu là dans cette dunya mais en réalité il est plus chaud et plus brûlant que celui de l'Akhira. Et si on le touchait, nous, dans cette dunya, on ne pouvait même pas le sentir. Et la puissance d'Allah est beaucoup plus grande que ça, est beaucoup plus étonnante que ça. Le chef dit, « وَإِذَا شَاءَ اللَّهُ أن يطلع بعض العباد على عذاب القبر أطلعه وغيب عن غيره إذ لو اطلع العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب ولما تداثل الناس كما في الصحيحين في الحديث الذي مر من قوله لولا أن لا تداثنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركته كما حدث برسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغته وكادت تلقيه ولما مر بمن يعذب في قبر فرؤية هذه النار في القبر كرؤية الملائكة والجن تقع أحيانا لمن شاء الله أن يريه ذلك لشيخ البيئسي الله سبحانه وتعالى lorsqu'il veut faire voir à certains de ses serviteurs les choses du châtiment de la tombe. Et il lui fait voir des choses qu'il cache à d'autres personnes. Et s'il faisait voir à tout le monde ces choses-là, eh bien, il n'y aurait plus de raison par la suite où, s'il faisait voir à tout le monde le châtiment de la tombe, le châtiment de l'enfer et des choses de ce genre, il n'y aurait plus de sagesse pour avoir créé la vie et le paradis et l'enfer, parce que tout le monde serait croyant. Hein? Si tout le monde voyait ça, tout le monde serait croyant à Allah, donc il n'y aurait plus de test. D'accord? Alors, le chef il dit, et les gens ne voudraient plus se faire enterrer, parce qu'ils auraient trop peur, Yanni. Comme ça a été mentionné dans le hadith, Yanni, qu'on a lu tout à l'heure, si ce n'est pas que je crains que vous ne vous feriez pas enterrer les uns les autres, j'aurais demandé à Allah de vous faire entendre ce que j'entends du châtiment de la tombe. Donc le cheikh il dit, étant donné que pour les animaux, il n'y a pas ce danger-là, ou il n'y a pas cette crainte de cette sagesse-là pour les animaux, dans le sens que les animaux, eux, eh bien, quand ils meurent, ils n'ont pas de châtiment, ils n'ont pas de punition, ils n'ont pas de récompense, ce sont des bêtes. Hein? Donc, pour eux, c'est pour cette raison-là qu'Allah les a fait entendre ces châtiments-là dans la tombe, contrairement aux êtres humains, puisque nous, les êtres humains, on est ici pour être testés dans cette dunia. Si on entendait tout le monde, il y aurait plus de tests, tout le monde croirait qu'il y a réellement quelque chose après la mort. Et donc, c'est pour cette raison-là que Allah se rend à la part de sa sagesse. Il nous a caché, il nous a empêché d'entendre ces choses-là. Et ça c'est le cas de l'âme du prophète sallam qui a failli le renverser lorsqu'il est passé près des tombes. Alors il dit, comme par exemple le prophète sallam lui, il voyait le feu et il voyait les djinns et les anges parfois. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de le faire voir à certains de ses serviteurs, mais à d'autres, il le cache. Le cheikh dit, « Wa kayfa yastankiru man ya'rifu Allah subhanahu wa ta'ala wa yuqirru bi qudratihi an yahdutha hawadisa yusrifu anha absara ba'd khalqihi hikmatan minhu wa rahmatan bihim li'annahum la yafiquna ru'yataha wa sama'aha والعبد أضعف بصرا وسمعا أن يثبت لمشاهدة عذاب القبر وسر المسألة أن هذه السعة والضيق والإضاءة والخضرة والنار ليس من جنس المعهود في هذا العالم لو سئل الشيخ الزي كما كنت أقولك الله سبحانه وتعالى تختصر est capable de faire arriver ces choses-là et de cacher ces choses-là de certains d'entre ces créatures par miséricorde pour eux et par sagesse, hein? Parce que on n'est pas capable de supporter la vue de ces choses-là, hein? La vue du feu de l'enfer, du feu de la tombe, et notre vue et notre oui dans cette vie, dans cette dunia, elle est elle n'est pas assez forte, elle est trop faible pour être capable de supporter la vue de ces choses-là, yani dans la tombe et des choses de ce genre. Et il dit le secret dans cette question-là, comme le secret pour qu'il nous aide à comprendre cette chose-là, en réalité, c'est que tout ce qui se passe dans la tombe, que ce soit l'élargissement ou le rétrécissement de la tombe, ou le fait qu'il y ait une lumière, ou qu'il y ait de la verdure ou du feu dans la tombe, tout ça, ça fait partie des choses qui ne font pas partie des choses, qui ne sont pas comparables aux choses qu'on connaît habituellement dans cette vie. C'est autre. Et le cheikh il dit, وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ إِنَّمَا أَشْهَدَ بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ الدَّارِ مَا كَانَ فِيهَا وَمِنْهَا فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ فَقَدْ أَسْبَلَ عَلَيْهِ الْغِطَاءِ لِيَكُونَ الْإِقْرَارُ بِهِ وَالْإِيمَانُ بِهِ سَبَبًا لِسَعَادَتِهِمْ فَإِذَا كَشَفَ عَنْهُمُ الْغِطَاءَ صَارَ عَيَانًا مُشَاهَدًا فلو كان الميت بين الناس موضوعا لم يمتنع أن يأتيه الملكان يسألاه من غير أن يشعر الحاضرون بذلك ويجيبهما من غير أن يسمعوا كلامه ويضربانه من غير أن يشاهد الحاضرون ضربه وهذا الواحد منا ينام في جنب صاحبه إلى جنب صاحبه المستيقظ فيعذب في النوم ويضرب ويألم وليس عند المستيقظ خبر من ذلك البتة. الشيخ explique ici, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait voir dans cette vie à certains des êtres humains des choses de ce genre-là, yani. Donc, c'est possible également que ce soit la même chose pour les choses de l'Akhirah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis un voile pour qu'on ne voit pas les choses de l'au-delà dans cette vie. Et il faut y croire. Et le fait d'y croire, ça va être une cause de notre bonheur dans cette vie, si on croit à ces choses-là. Parce que ça veut nous éloigner du mal et ça veut nous rapprocher de faire le bien. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va nous enlever ce voile et qu'on va voir l'invisible avec nos yeux, eh bien là, c'est ça qui fait la différence entre le mort et le vivant, la plupart des gens. Et regardez par exemple le chef, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pas impossible, Allah est capable s'il voulait de faire venir les deux anges à un d'entre nous pendant qu'on est vivant et de faire parler les deux anges à un d'entre nous et de nous frapper et de nous faire poser des questions, etc. pendant qu'on est assis comme ça et un d'entre nous se fait tester ou questionner par les anges et aucun d'entre vous ne serait capable de voir les anges et de comprendre ce qui se passe, hein, parce que Allah, c'est un monde invisible. Mais il donne comme exemple, regardez par exemple, une personne peut être en train de dormir ici, et un autre qui est à côté de lui, et il est réveillé, et l'autre qui dort, il fait un cauchemar, et dans son cauchemar, il est en train de se faire torturer, ou de se faire battre, ou de se faire, il souffre, hein, et l'autre qui est debout, qui est à côté de lui, il ne ressent rien. Alors que l'autre qui est à côté, il souffre, il est dans son rêve et dans son cauchemar, hein. Donc ça c'est un exemple. Et le cheikh il dit par la suite, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما حديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير فكثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة أما الآخر فكان لا يستتر من بوله ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة فقال يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبثا Donc c'est Sahih et Muslim, Wasa'ir et Sunan, en Abi Huraira, radiallahu anhu, en Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, a parlé. إذا فارغ أحدكم من التشهد الأخير فليقل أعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Donc le cheikh il explique que yani les hadiths qui parlent du châtiment de la tombe sont très nombreux, hein, parmi eux le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure et l'autre hadith selon Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'après le tashahud, on doit demander la protection contre quatre choses, hein, le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, le châtiment ou la fitna, contre la fitna de la vie et de la mort, et contre la fitna du dajjal. Puis le cheikh dit, « ثم ساق الشيخ أحاديث كثيرة في هذه الباب إلى أن قال وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه ونعيمه نعم لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به ولا نتكلم عن كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له في هذه الدار والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول تحار فيه العقول فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. Donc ici le cheikh il dit, après avoir mentionné beaucoup de hadith, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit, et la question du châtiment et des délices de la tombe a été rapportée par un grand nombre de narrateurs et dans plusieurs hadiths, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que c'est affirmé au sujet du châtiment de la tombe ou du délice de la tombe et du questionnement des deux anges. Et donc, c'est obligatoire pour quelqu'un de croire en ça. Et on n'a pas le droit de parler ou de demander au sujet de comment, du comment de ce châtiment-là dans la tombe. Parce que notre raison n'est pas capable de le comprendre. C'est des choses qui n'ont pas rapport avec le monde qu'on a connu dans cette dunya. C'est un autre monde, une autre dimension. Hein? Et la charia, elle ne nous a pas ramené des choses qui ne sont pas raisonnables à la base. Donc, on doit l'accepter. Mais, parfois, il est possible que dans la charia, dans la loi d'Allah Santal, dans la religion, il y a des choses que la raison a de la difficulté à comprendre, hein? Mais il faut quand même y croire. Et le chef il dit que le retour de l'âme dans le corps, ça c'est pas le même retour dans le corps que l'âme lorsqu'elle est dans cette vie, à l'intérieur du corps de l'être humain dans cette vie, c'est pas la même chose que lorsque l'âme retourne dans le corps après la mort. Donc le retour est un autre retour différent du retour qu'on connaît dans cette dunya. إلى أن قال واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب تناله نصيبه منه قبر أو لم يقبر أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو سلب أو غرق في البحر ووصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور وما ورد في إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير فلا يحمل كلامه ما لا يحتمل ولا يقصر به عن مراده وما قصد من الهدى والبيان فكم حصل من إهمال من إهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le cheikh ici qu'est-ce qu'il fait, il mentionne les paroles de Ibn Taymiyyah qui résument tout le cours qu'on vient de faire aujourd'hui en fait. C'est là il a mentionné les paroles de Ibn Taymiyyah lorsqu'il dit que le châtiment de la tombe, c'est en réalité le châtiment du barzakh, c'est-à-dire l'étape qui est entre lorsqu'on va mourir et l'étape où lorsqu'on va être ressuscité. Dans cette période-là qu'on appelle al-barzakh, il y a un châtiment et on l'appelle ce châtiment-là adab al-qabr, même si on n'a même pas été enterré dans la terre. Ça veut dire, c'est comme le cheikh l'explique ici, même si on a été brûlé ou qu'on a été mangé par une bête sauvage ou qu'on a été noyé ou des choses de ce genre, même si on n'est pas enterré dans la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous faire venir un châtiment ou une récompense à notre âme et donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'en échapper, même si on est brûlé ou noyé ou etc. Après le chef dit, il a un qal, فالحاصل أن الدور ثلاث دار الدور ثلاث دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها وركب هذا الإنسان وركب هذا الإنسان من بدن ونفس وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. Donc il dit que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a trois maisons, il y a trois demeures pour l'être humain. Il y a la demeure de cette dunya, il y a la demeure du barzakh, entre ce monde et entre la, après, qu'est-ce qui va arriver après la résurrection. Et il y a l'autre demeure qui est la demeure terminale, c'est soit le paradis ou l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à chacune de ces demeures des règles spécifiques qui leur sont particulières. Donc, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait l'être humain composé d'un corps et d'un âme. Et il a donné des règles pour le corps et l'âme dans cette dunya qui correspondent à cette composition-là du corps et de l'âme par rapport à la dunya. Puis dans le barzakh, il a donné aussi des règles par rapport au corps et aux âmes qui sont spécifiques au barzakh. Et dans l'akhirah, après la résurrection, eh bien, il y aura également des règles spécifiques au corps et aux âmes pour l'akhirah, c'est-à-dire pour dar al-qarar. Et donc, le châtiment ou la récompense et les délais de l'akhirah seront pour le corps et pour les âmes ensemble. Cheikh dit, فَإِذَا تَأَمَّلْتَ هَذَا الْمَعْنَى حَقَّ التَّأَمُّلِ ظَهَرَ لَكَ أَنَّ كَوْنَ الْقَبْرِ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةً مِنْ حُفَرِ النَّارِ مطابق للعقل وأنه حق لا مرية فيه وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيبهم. Cheikh il dit, lorsque tu réfléchis sur cette signification là d'une bonne réflexion et que tu médites là-dessus, tu vas comprendre par la suite clairement que la réalité du fait que ta tombe se transforme en un jardin parmi les jardins du paradis ou un trou parmi les trous de l'enfer, ça vient complètement en accord avec la raison. Et il n'y a pas de doute que c'est la vérité même. Et c'est par ça qu'on peut distinguer réellement qui sont ceux qui ont cru en l'invisible de ceux qui n'ont pas cru. Hein? Parce que c'est quoi être mu'min? C'est de croire en le ghaib. Si tu ne crois pas en l'invisible, ou tu ne crois pas en le ghaib, donc tu n'es pas un mu'min. Si on pouvait tout voir et tout comprendre rationnellement, eh bien, il n'y aurait pas vraiment une question de foi, ce ne serait pas réellement une question de foi. Mais on ne voit pas les anges, on ne voit pas le paradis, on ne voit pas l'enfer, on ne voit pas Allah subhanahu wa ta'ala, hein, on ne voit pas les djinns. Tout ça, c'est des choses dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé dans le Coran, hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a parlé aussi dans la Sunna, et c'est des choses qu'on n'a jamais vues, sauf qu'on y croit parce qu'on a reçu l'information de ces choses-là dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour ça qu'on est des mu'minins, parce qu'on a cru au ghaib. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit les mu'minins, les croyants, il a dit « Allalina yu'minuna bil ghaib », ceux qui croient en l'invisible. Donc, c'est ça la différence. Et le chef a dit « وَيَجِبُ أَنْ يُعْلَمْ أَنَّ النَّارَ الَّتِي فِي الْقَبْرِ وَالنَّعِيمِ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ نَارِ الدُّنْيَا وَلَا نَعِيمِهَا وَإِنْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه والتي تحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه وهذا في حفرة من النار وهذا في روضة من رياض الجنة ولا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحد به علما. Donc le chef il explique ici et il dit que il faut comprendre, il est obligatoire de savoir que le feu de la tombe et les délices de la tombe, ils sont différents, ils n'ont rien à voir avec les feux qu'on trouve dans cette vie actuellement et avec les délices qu'on retrouve dans cette vie ou dans ce monde actuellement. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que le feu de la tombe deviennent plus chauds que tous les feux qu'on peut connaître dans cette dunya. Et, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et malgré ça, lorsque tu touches à la terre, tu sens aucune chaleur. Hein? Et encore plus étonnant que ça, lorsque deux hommes sont enterrés un à côté de l'autre, et qu'un est enterré et qu'il se fait châtier dans sa tombe, et que l'autre à côté il est enterré dans sa tombe et qu'il reçoit des récompenses et des délices de son Seigneur, eh bien, la chaleur de son châtiment, de celui qui se fait châtier, l'autre qui est en train de subir ou l'autre qui est en train de goûter aux délices d'Allah, il ne sent aucune chaleur de la tombe de celui qui est à côté de lui. Hein? Et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que ça, c'est un exemple de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est beaucoup plus grande et beaucoup plus étonnante que ça. Donc, il dit, mais les âmes sont remplies de négation de ce qu'ils n'ont pas atteint, ni de connaissance, ni au sujet des choses de l'invisible. Le Cheikh dit, وَقَدْ أَرَنَا اللَّهِ فِي هَذِهِ الدَّارِ مِنْ عَجَائِبِ قُدْرَتِهِ مَا هُوَ أَبْلَغُ مِنْ هَذَا بِكَثِيرٍ وَإِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه من عن غيره ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب ولما تداخل الناس كما قال كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. Donc le chef il dit que en réalité Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait voir dans ce monde des grandeurs de sa puissance, des choses qui sont beaucoup plus grandes encore et plus étonnantes que ça. Et si Allah aurait voulu, il aurait fait voir à tous ses créatures et entendre à toutes ces créatures les choses de l'invisible. Mais s'il avait fait voir à tout le monde qu'est-ce qui se passe dans la tombe, et s'il avait fait entendre à tout le monde qu'est-ce qui se passe dans la tombe, eh bien, il n'y aurait plus aucun sens par la suite, il n'y aurait plus aucun test, parce que tout le monde aurait été croyant, comme on a expliqué tout à l'heure. Donc, il n'y aurait aucun but pour nous donner des... il n'y aurait pas eu un sens au fait que Allah SWT nous donne des ordres à suivre et nous interdise des choses si tout le monde pouvait voir Allah, pouvait voir les anges, pouvait voir ce qui se passe dans la tombe, pouvait voir l'enfer et le paradis. Il n'y aurait plus aucun sens à l'épreuve que Allah nous fait subir dans cette dunya. Donc on va s'arrêter, puis on va continuer, inshallah, la semaine prochaine. Inshallah, subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.